Le mouvement du 26 mars d'Urgueil a inséré le 29 août dans leur page d'internet un article qui révèle les cris inhumains du gouvernement sud-coréen. L'auteur a écrit entre autres « En Corée du Sud existe depuis les années 1970 des camps de concentration inconnus où les travaux forcés sont imposés aux militants progressistes et aux enfants handicapés. Il y a quelque temps ont été découvertes des tombes des gens qui ont dû travailler sous les coups de fouillés jusqu'au dernier moment de la vie. On y a enterré des handicapés, militants progressistes, femmes vagabondes, ouvriers et victimes de kidnapping. » L'auteur a édité également des photos des enfants au camp de concentration et des cadavres dans les tombes.